Buenas noches, querida gente. Hola Sandra, hola Huguito. Bueno, acá estoy de nuevo, les estoy trayendo hoy Blues desde Francia, realizado por un cantautor, guitarrista, bastante interesante, que se autodenomina Le Gueux, que no es más ni menos que El Mendigo. Espero sepan apreciarlo. Muchas gracias por prestarme su oreja. Que han escuchado es Je vais bien, que significa lo estoy haciendo bien. Thank you. mama. Nous sommes si beaux tous les deux. Attisons le brasier et pas d'état d'âme. Ce soir nous allons faire les fous et je le clame. Oh mama, fais de moi ce que tu veux. Pasado, mogmoa, que significa muerde. Je ne suis pas le plus beau. Je ne suis pas le plus laid. Je stagne entre les eaux. Car personne n'est parfait. On a tous nos défauts et quelques qualités. Et même si ça sonne faux, voilà le fond de ma pensée. Je m'en fous. Je ne suis pas le méchant, mais pas non plus le bon. La brute ou le truand, tout ça n'est qu'une fiction. Je n'ai peut-être pas de grandes idées, mais je ne pense pas à rien. J'ai mon avis sur le sujet, voilà ce que j'en retiens. Je m'en fous. Je m'en fous, que significa no me importa. jamais ils n'ont existé. D'un amour fou qu'on ne saurait égaler. Et rendre tous les amants déchus jaloux de notre brasier. Por último, nos quedan escuchado de Je veux t'aime, que significa quiero amarte. Todos estos temas los encuentran en su disco del año 2012, Blues and Rock. Espero que lo hayan disfrutado. Nos volveremos a encontrar la semana que viene. Y gracias nuevamente por prestarme su oreja.